Bon, bah, merci beaucoup, merci aux organisateurs du colloque d'avoir accepté cette communication. Merci pour cette modération et cette introduction. Donc le cas de... Moi, je suis vraiment parti sur le thème du colloque, capitalisme et résistance, enfin, capitalisme de plateforme, résistance alternative. Et donc là, le cas de résistance aux GAFAM que je vais vous présenter, et bien sûr, je reviendrai sur la pertinence ou non d'employer ce terme de résistance ici. Donc s'inscrit dans une enquête doctorale qui a été menée entre 2019 et 2023 sur les rapports entre Google et le champ du pouvoir, et puis plus précisément sur la place de Google dans la transformation de l'action publique. J'avais des slides, mais bon, on va s'en passer, c'est pas grave. Bon, la communication donc porte plus précisément sur un moment particulier de cette histoire, qui est le processus de construction de la taxe sur les services numériques, appelée communément par les médias taxe GAFA. Et donc, analyse de ce moment particulier en tant que coup d'éclat politique de l'exécutif macroniste, et puis comme mode de résistance au moins apparent aux transgressions fiscales des GAFAM, et puis finalement de leur tentative de subversion de la souveraineté nationale. Donc, dans le temps qui m'est imparti, j'aimerais soumettre à votre réflexion l'idée suivante. La construction de la taxe GAFA correspond à un moment d'entrechoquement entre deux agendas gouvernementaux, pour partie antagonistes. D'une part, la recherche d'une contrepartie dite et pensée de gauche à un mandat présidentiel jusqu'alors marqué par des signes positifs envoyés à la droite. Et d'autre part, la continuation d'un agenda d'attractivité du tissu économique français tourné vers les acteurs de l'économie numérique au sens large, c'est-à-dire des plateformes, les équipementiers, les éditeurs de logiciels, les opérateurs de réseaux et d'infrastructures, les cloud providers, mais aussi des fonds d'investissement, notamment des fonds de capital investissement et de capital risque. Et ce, donc, un agenda d'attractivité qui, en fait, le vent en poupe depuis le mandat de Nicolas Sarkozy, pour le dire en résumé. Autrement dit, il s'agit d'étudier à un instant donné l'état d'une partie du champ de l'action publique numérique, structurée autour de deux prises de position. Un discours de rejet des GAFAM, tour à tour présenté comme les fossoyeurs de la souveraineté nationale, des monopoles tueurs des entreprises françaises et européennes, et puis bien sûr des fraudeurs fiscaux, et présentés également comme des facteurs d'attractivité de la France et en particulier de ses start-up. Bref, donc un agenda dual structuré autour d'un clivage résistance-séduction, pour résumer assez sommairement. Alors l'enquête sur laquelle repose cette communication comprend quatre volets que je vais détailler rapidement. Donc, d'une part, c'est une enquête qui a été menée auprès des représentants de Google en France et aussi en partie des représentants de Microsoft, également de leurs interlocuteurs politiques, administratifs, économiques, entrepreneuriaux, donc entre 2019 et 2023, pour une cinquantaine d'entretiens à jour, depuis le premier responsable de la filiale française de Google jusqu'à l'actuel directeur des affaires publiques, en passant par d'anciens ministres, leurs entourages du ministère du numérique, de l'économie, de la culture, de Matignon, de l'Élysée, etc. C'est aussi une enquête archivistique fondée sur les archives des cabinets de deux ministres de la culture, deux secrétaires d'État au numérique, d'un ministre de l'économie, d'un premier ministre, et puis la production parlementaire, notamment sur les montages financiers, les débats à l'Assemblée nationale et au Sénat sur la création, ce projet de taxe GAFA. Troisièmement, ça repose aussi sur des observations participantes que j'ai menées dans des lieux de sociabilité professionnelle et d'interaction entre lobbyistes de Google, représentants patronaux et agents politiques et bureaucratiques. Et puis, c'est une enquête, enfin, qui est fondée sur l'analyse d'un corpus de données biographiques constitué par diverses sources, notamment LinkedIn, que j'ai beaucoup utilisé, et qui comprend 360 employés de Google qui ont exercé entre 2002, 2000, oui, 2002 et 2023, 2002 étant la date de création de Google France. Et pour constituer cette base, voilà, vous saurez tout, j'ai surtout cherché les individus qui occupaient des positions de direction au sein de la filiale française, ainsi que les salariés des départements les plus susceptibles d'interagir avec les pouvoirs publics, donc les lobbyistes, les juristes, les communicants, et puis les commerciaux du secteur public. Voilà. Et j'ai fait la même chose pour les représentants d'intérêts des autres multinationales du numérique présents en France, donc les GAFAM, mais aussi Twitter, Uber, Airbnb, TikTok et d'autres. Alors cette recherche repose sur deux parties pris analytiques, en tout cas pour ce qui concerne cette communication. D'abord, c'est d'essayer de restituer l'espace des possibles de la construction de la taxe GAFA dans une perspective de sociologie des champs, donc à la suite de Bourdieu et puis bien d'autres, notamment Vincent Dubois en ce qui concerne le champ d'action publique. Et donc restituer la structure des relations qui président à la construction de cette taxe, avec l'appui de la méthode de la sociologie des élites. Et puis ensuite, il s'agissait d'insérer une sorte de, voilà, une optique compréhensive dans l'analyse, afin de comprendre les motifs personnels chez les acteurs concernés, qui ont contribué à la création de cette taxe, donc cette fois-ci plus dans une perspective de sociologie compréhensive à la Weber, et proche des méthodes de l'histoire culturelle, notamment de la microstoria italienne, avec un intérêt certain pour l'approche voilà, au micro, au plus près des acteurs. Donc, pour le dire globalement, c'est une sociologie, c'est une socio-histoire des rapports État-entreprise. Bon, j'entre dans le cœur du sujet. Alors, le prérequis nécessaire, c'est qu'il faut restituer la taxe GAFA dans son contexte historique sociopolitique. Le sujet de la fiscalisation nationale des activités des multinationales du numérique, ça émerge en France dans la seconde moitié des années 2000. Alors étonnamment, ce n'est pas la gauche hein, qui préempte ce sujet-là. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a étonné. C'est la droite. C'est la droite et plus particulièrement, c'est la commission des finances du Sénat et surtout son rapporteur général, Philippe Marini. Les premières propositions dans le sens d'une taxation du chiffre d'affaires ou, suivant les cas, d'imposition sur les bénéfices de Google, parce qu'en fait, au départ, c'est vraiment Google qui est ciblé, les autres viendront après. Ces premières propositions, elles sont sous-tendues par un discours sur l'équité et la compétitivité. En gros, il n'est pas normal que Google bénéficie de fait d'exonération d'impôts par rapport aux entreprises françaises, et que donc Google soit avantagé dans la compétition internationale. Donc là, on est entre 2010 et 2011, et le projet, ces différents projets de taxes, de fiscalisation des activités de Google, eh bien, sont balayés d'un revers de main par l'administration fiscale et par l'exécutif, de droite pourtant lui aussi, et tout cela, enfin, eux-mêmes, étant fortement soutenus dans le fait d'écarter ce projet de taxe par le secteur de la publicité en ligne, dont Google, en fait, est déjà le leader en France. Évidemment, à l'époque, quand on pense Google, on pense surtout, en fait, au leader de la publicité en ligne, ce que les utilisateurs lambda n'ont pas forcément en tête. Alors, plusieurs raisons sont invoquées hein, pour refuser, en fait, de taxer Google, de taxer les GAFA. Alors la première, c'est l'impossibilité technique du fait de la base immatérielle des activités de Google et puis de la convention fiscale entre la France et l'Irlande, où se trouve le centre des opérations de Google en Europe, qui empêche en fait cette convention fiscale qui empêche d'attaquer les circuits d'optimisation fiscale de Google. Je passe sur les détails, c'est très compliqué. Il y a une raison économique ensuite. La taxation de Google, des activités de Google, bien en fait, se répercuterait sur les coûts de ses biens et de ses services, notamment pour les annonceurs publicitaires français. Et ça aurait pour effet de rendre l'environnement d'affaires français moins attractif et donc de faire fuir les entreprises du numérique françaises comme étrangères d'ailleurs. Et puis une dernière raison est avancée, alors cette fois-ci pas de manière publique, même pas à titre allusif. C'est que taxer Google, bah, ce serait précipiter des mesures de rétorsion par les États-Unis. Des mesures de rétorsion contre les entreprises françaises, et notamment les plus grosses firmes exportatrices, et c'est la principale d'entre elles, c'est LVMH. LVMH, dans les entretiens, c'est l'entreprise qui revient tout le temps. Surtout, ne taxons pas Google, sinon LVMH va en pâtir. Ça, en 2010-2011. Hein. Voilà, le pouvoir de Bernard Arnault ne date pas d'hier. Et donc, voilà, c'est ce qui se passe. La taxation de Google, puis les GAFAM, est enterrée en France et renvoyée à ce moment-là à des instances supérieures, la Commission européenne et l'OCDE en particulier. Jusqu'en 2019, la ligne de l'administration reste la même. Le bénéfice à taxer les GAFAM serait inférieur au coût supporté, tant pour l'image de la France, l'attractivité du pays, que pour l'internationalisation des entreprises françaises à la merci du protectionnisme américain. La question est donc comment on en arrive finalement à cette taxe GAFA en 2019, franco-française en plus, qui semblait jusqu'alors impossible et impensable au service de Bercy. Alors quand Bruno Le Maire présente son projet de taxe en Conseil des ministres en mars 2019, on a déjà affaire en fait à la construction d'un problème GAFAM qui est très avancé et qui bénéficie, cette construction d'un problème public des GAFAM, qui bénéficie d'une très forte médiatisation. Alors ça, on peut l'expliquer en particulier par l'intérêt spécifique qu'a la presse à ce moment-là de s'attaquer à l'image des GAFAM dans le débat public. On est alors en plein processus législatif au niveau européen sur la directive droit d'auteur, qui inclut un droit voisin du droit d'auteur pour la presse. Et ça, c'est un texte qui est très attendu et depuis des années par les groupes de presse français en particulier, pour en fait se voir rémunérer la reprise de leurs articles par les plateformes et en particulier par Google et Facebook. Et ces groupes de presse exercent alors un très très fort lobbying pour faire passer cette directive et puis pour pousser le gouvernement français à la défendre à Bruxelles. Et à cet égard, je vous invite à lire la très belle thèse qui a consacré Céleste Bonamy sur cette question, sur la création d'un droit de la propriété intellectuelle numérique au niveau européen qu'elle a soutenu l'année dernière. Et donc il y a tout ce lobbying, il y a ce processus législatif, et quand Bruno Le Maire présente son projet de taxe le 6 mars 2019 en Conseil des ministres, eh bien la directive n'a toujours pas été votée, les discussions continuent. Côté gouvernement aussi, on se trouve dans une position politique qui est délicate. Les mouvements sociaux se multiplient contre les initiatives droitières du gouvernement. Et tous les samedis, depuis le mois de novembre précédent, eh bien, les gilets jaunes manifestent en masse et portent différentes revendications, et notamment celle d'une plus grande justice fiscale. En instaurant cette taxe, il s'agit en fait de restaurer une forme d'équité, pour reprendre le terme d'un conseiller de Bruno Le Maire en entretien. Une forme d'équité entre, je cite, les particuliers et les ultra-riches, et ça en écho au positionnement ni droite ni gauche de l'ex-candidat Macron, ces ultra-riches qui ont notamment bénéficié de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Parce qu'on s'en souvient, évidemment, le début du premier quinquennat de Macron, il est marqué par diverses dispositions d'allègement fiscal en faveur du capital et des particuliers les plus aisés. D'ailleurs, dans le prolongement de ses prédécesseurs, hein, je vous renvoie au dernier livre d'Anne-Laure Delatte. Alors qu'on pense, il y a le prélèvement forfaitaire unique, il y a le remplacement de l'ISF par l'impôt sur la fortune immobilière, il y a l'allègement de l'exit tax. Tout cela qui, voilà, des propositions qui, et là je cite à nouveau le conseiller de Le Maire, des initiatives qui ont été très polémiques, qui étaient un marqueur très clairement de droite, en tout cas sur une politique économique qui était basée sur l'attrait des investissements, l'attractivité, etc. Fin de citation. Et de façon tout à fait claire pour le cabinet de Bruno Le Maire, et l'exécutif en général, même s'il y a des débats, on y reviendra, c'est bien, je cite, la première réforme qui penchait un peu de l'autre côté. Donc, fin de citation, qui concrétisait le en même temps macronien, jusqu'alors essentiellement votif, rhétorique. Mais voilà, là, une initiative qui fait pencher l'équilibre, qui ramène l'équilibre, censé ramener l'équilibre, et surtout qui bénéficie d'un très large soutien politique. Mais il faut bien voir que cette taxe française, franco-française, c'est un expédient, c'est un pis-aller pour le gouvernement et puis pour Bruno Le Maire. L'objectif initial du ministre, hein, c'était de parvenir à une taxe européenne, et ce pour au moins deux raisons. Alors la première est liée à son agenda personnel. C'est un primo ministre, comme le dit un autre conseiller, c'est un primo ministre qui est en quête de reconnaissance au sein du champ politique et qui veut s'assurer un statut européen se montrer capable de faire plier Bruxelles, ou du moins de montrer qu'il jouit d'une autorité au-delà des frontières nationales, où la valorisation de son action est plus difficile sous la direction d'un président de la République qui est omnipotent ou pas loin de l'être. La seconde raison, elle ressortit à la politique économique de la France, et notamment de la position très stable depuis Nicolas Sarkozy vis-à-vis des GAFAM. Ça, je vous en ai parlé déjà auparavant. C'est ce que le directeur de cabinet d'un ancien ministre du numérique appelle l'agenda d'attractivité. Alors, sans entrer dans les détails, mais pour faire simple, voilà, il s'agit d'attirer les capitaux et les technologies des GAFAM en France pour en faire bénéficier le tissu économique national. Or, évidemment, accroître la fiscalité des GAFAM uniquement en France, ça revient à dégrader l'environnement d'affaires français comparé à celui des voisins européens. La taxe devrait donc être européenne. Elle devrait aller dans le sens d'une harmonisation fiscale pour éviter ce type d'externalité négative. Problème, les États-Unis font pression sur différents pays européens. Et un à un, ces derniers vont renoncer à la taxe européenne, y compris au motif de l'attractivité du continent qui en serait affecté, et puis de leur attractivité nationale aussi, bien sûr, au premier chef. Et donc, dans ces conditions, la question se pose, faut-il faire une taxe purement nationale au risque de se tirer une balle dans le pied? C'est la question que se pose le gouvernement à ce moment-là. Au sein du gouvernement, des administrations de Bercy, de la majorité, et le projet de taxe français est vraiment loin de faire consensus. Le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, et son entourage n'en veulent pas. Ils disent « on va se distinguer, comprendre, on va se montrer moins attractif que les voisins européens. » Donc on va se distinguer alors qu'on est sur un trend d'allègement de la fiscalité des entreprises et sur le capital. Fin de citation. Au-delà de l'attractivité, il y a donc la question de la légitimité de l'exécutif qui est en jeu et qui s'est fondée sur un programme et une politique pro-business que la taxe viendrait entacher. D'un autre côté, vous avez les milieux d'affaires français qui sont majoritairement opposés aussi à la taxe, dans un premier temps en tout cas. Bon, d'abord, il y a les entreprises françaises du numérique, en particulier les start-up et les fonds de capital investissement, qui voient d'un mauvais œil une taxe qui risquerait de désinciter les GAFAM à investir en France et notamment à racheter les start-up françaises, ce que cherchent en général les fondateurs de start-up et leurs investisseurs. Mais il y a aussi les grandes entreprises françaises, les plus grandes d'entre elles, et représentées par l'AFEP, l'Association française des entreprises privées, le MEDEF, l'Union des marques, qui craignent que la taxe soit répercutée sur le prix des services des GAFA, notamment en matière de publicité. Et puis la taxe risquerait de s'appliquer à quelques entreprises françaises qui satisfont aux critères de taxation, comme Criteo, qui est spécialisée dans la redirection publicitaire et qui est souvent présentée comme l'une des rares entreprises du numérique, au sens large du terme, à avoir émergé. Bon, Bruno Le Maire obtient malgré tout un arbitrage favorable du Premier ministre et du Président de la République. Et une fois qu'il a obtenu cet arbitrage, son souci et celui de son cabinet, ça va être de trouver un équilibre entre ces différentes injonctions contradictoires, notamment entre le fait de montrer que le gouvernement est capable de faire plier les GAFAM, de les soumettre à l'impôt, pour faire un sort en fait au fatalisme de l'impuissance publique, pour reprendre l'impuissance ministérielle, pour reprendre le terme de Brigitte Gaïti, et en même temps, voilà, montrer que l'État est capable de reprendre la main, qu'il a des marges de manœuvre, qu'il peut faire plier ces géants, mais en même temps sans les faire fuir. Et c'est ainsi qu'on passe d'une logique frontale, oppositionnelle, conflictuelle, qui est payante au plan politique, à une logique qui va être transactionnelle, à une logique qui va être celle de négociation, point par point des termes de la taxe avec les premiers concernés, les GAFAM. Alors, deux éléments essentiels de la taxe vont faire l'objet de fortes tractations, le taux de la taxe et son assiette, c'est-à-dire ce sur quoi elle s'applique effectivement, qu'est-ce qu'on va taxer. D'un côté, un taux et une assiette faibles permettraient de maintenir la ligne politique du gouvernement et de satisfaire les acteurs politiques. Mais de l'autre, ça poserait un problème de crédibilité pour le gouvernement qui ne peut pas se satisfaire d'un taux trop bas et de recettes fiscales trop faibles. D'ailleurs, Bruno Le Maire, dans une réunion avec des acteurs du numérique, reconnaît qu'il ment quand il explique dans les médias que la taxe devrait rapporter 500 à 600 millions d'euros par an. Voilà. Mais il s'agit de montrer que la mesure sera effective et pas uniquement symbolique. Les tractations qui s'engagent avec les GAFAM visent, selon le terme d'un conseiller Bruno Le Maire, je cite, « l'acceptation de l'impôt, quelque chose qui est compliqué, peut-être encore plus avec les GAFAM ». Fin de citation. L'entourage du ministre s'attache donc à convaincre les représentants des GAFAM, sinon du bienfait de la taxe, du moins des contraintes qui pèsent sur l'agenda du ministre et du gouvernement. Alors ils vont mener à ces conseillers tout un travail pour rassurer les multinationales, en expliquant que la taxe n'est que temporaire, qu'elle sera supprimée le plus vite possible, dès qu'une solution sera trouvée au niveau de l'OCDE, et même si le taux décidé à l'OCDE est plus faible que celui que les Français voulaient appliquer. Les représentants français des GAFAM jouent ici un rôle essentiel et jouent un rôle essentiel de traduction des logiques spécifiques des gouvernements, de leurs interlocuteurs conseillers ministériels, dans les catégories d'entendement de leurs maisons mères, de leurs dirigeants américains, californiens. Ce qui facilite ce travail de traduction, ce travail d'intermédiation, c'est la position sociale des représentants d'intérêts, qui sont souvent issus des services de l'État, qui ont parfois occupé les mêmes postes, les mêmes fonctions que leurs interlocuteurs de Bercy, comme c'est le cas par exemple du directeur des affaires publiques d'Amazon Europe, donc le patron du lobbying d'Amazon pour l'Europe, qui est un maître des requêtes au Conseil d'État, qui a été le directeur adjoint du cabinet de Christine Lagarde quand elle a été ministre de l'économie. Et c'est d'ailleurs avec Amazon que les discussions sont les plus intenses parce que les conséquences économiques d'un retrait de ses activités de France entraîneraient les plus forts licenciements. Et ça, c'est quelque chose qui interroge beaucoup le cabinet de Le Maire. La proximité sociale entre les lobbyistes et les conseillers ministériels permet d'ouvrir un espace de négociation qui débouche sur des transactions collusives. Avec Amazon, par exemple, le cabinet Le Maire offre des garanties aux lobbyistes, notamment sur le fait que les services logistiques ne seront pas impactés par la taxe. Tout ceci dans le but de rendre la taxe acceptable aux yeux de la direction américaine d'Amazon. Mais la connivence est plus fine qu'elle n'y paraît, parce que les conseillers cherchent moins à convaincre leurs interlocuteurs lobbyistes, qui sont déjà convaincus, en fait, que de trouver un terrain d'entente pour que leur interlocuteur lobbyiste puisse d'un côté défendre le projet de taxe auprès de sa direction américaine, et puis de l'autre, qu'il puisse valoriser son action auprès des gouvernants en montrant à ses supérieurs américains, californiens, qu'il a su obtenir des avancées, qu'il a su obtenir des garanties, des avantages pour sa firme. Et c'est ainsi que les conseillers vont lui envoyer des mails complices, hein, destinés à être vus par sa direction, dans lesquels les conseillers expliquent qu'ils acceptent de transiger sur certains points du projet, et quand bien même ces points n'avaient même pas été envisagés par le ministère. Donc des transactions collusives s'instaurent ainsi sous la forme d'un soutien réciproque. La défense de l'initiative politique passe ainsi par la valorisation du travail du lobbyiste, qui en pratique co-construit la loi avec les conseillers, ces derniers soutenant des modifications législatives qui lui sont favorables, en faisant passer, pour le lobbyiste d'Amazon en l'occurrence, des amendements au Parlement, par exemple pour mieux redéfinir l'assiette dans les intérêts des firmes. On peut donc s'interroger sur la pertinence d'une analyse des manifestations d'opposition des gouvernants à l'égard des GAFAM en termes de résistance. Une réponse rapide et partielle consisterait à dire que le gouvernement donne le change avec ce type de projet fiscal dans une conjoncture de crise sociale et politique. On se souvient de l'hélicoptère dans la cour de l'Élysée, prêt à exfiltrer le président de la République pendant les moments les plus chauds des manifestations des Gilets jaunes. Voilà où les revendications en termes de justice fiscale contribuent à modifier, à déplacer l'agenda pro-business du gouvernement. Et effectivement, le levier de la résistance face aux GAFAM semble profitable au plan politique depuis la fin des années 2010. Et dans le même temps, le souci de contrebalancer une série de mesures jugées de droite par ses initiateurs, sans pour autant s'aliéner les multinationales dont la présence en France serait gage d'attractivité et d'innovation, qui sont considérées comme nécessaires, Tout cela, ça contribue à reconfigurer les rapports entre les GAFAM et une partie du personnel politico-administratif. La posture oppositionnelle de résistance, elle ne résiste pas précisément à cet écheveau, cet entrelacs d'interdépendance entre ces différents agents, interdépendances qui sont redoublées par les positions sociales homologues qu'ils occupent de part et d'autre de la frontière publique-privée. Si la résistance, c'est un thème qui est valorisé en termes de politique politicienne, de politics, sa conversion en politique publique, en policy, affronte d'autres motifs politiques, un agenda contradictoire d'attractivité, et puis une configuration relationnelle qui atténue les postures antagonistes et qui favorise le registre de la collusion à la frontière dans cet espace carrefour entre les conseillers et leurs homologues lobbyistes. Comme me le répétait un conseiller de Le Maire, les GAFAM ne sont pas nos ennemis. Et de fait, ces multinationales se sont dotées de représentants qui sont leurs alter-ego sociaux, qui facilitent les désenclavements organisationnels pour déplacer la relation sur le terrain de la proximité sociale. Dans ces conditions, la co-construction de la taxe non seulement peut se négocier, mais elle devient le seul mode légitime et politiquement pertinent de résistance aux GAFAM. Résistance entre guillemets, évidemment. Si on voulait filer la métaphore lourde, beaucoup trop lourde de sens historique, mais auquel invite le titre du colloque, on devrait dire alors que les repères entre résistance et collaboration s'effacent dans cette zone intermédiaire, cette espèce de no man's land de la frontière publique-privée, où les catégories mêmes de public et de privé, de GAFAM et d'État, tendent vers leur confusion. Je vous remercie.